Galaxy, the one and only for you. Michael H sur Galaxy. Sur Galaxy. Galaxy. Michael H sur Galaxy. PLH sur Galaxy. Galaxy to the paradise. DJ Michael H sur Galaxy. KLH sur Galaxy. Galaxy. We'll be right back. We'll be right back. KLH sur Galaxy. We'll be right back. sur Galaxy. We'll be right back. KLH sur Galaxy. H. Thank you. Michael H sur Galaxy. Sur Galaxy. We'll be right back. Nouvelle exposition, les Beffrois textiles, du 17 octobre au 2 décembre, au Musée des Arts et Traditions Populaires de Wetterloo. Les élèves de BTS Productique Textile Tissage de Roubaix ont immortalisé les Beffrois sur textile, linge de table, tenture ou encore étendard. Plus d'une centaine de modèles représentant notre patrimoine. Preuve que le textile dans le Nord n'a pas fini de faire parler de lui. Entrée libre, renseignements 03 20 45 19 09. Fête de l'animation du 19 au 22 octobre sur Lille. Trois lieux, Euralille, Théâtre Sébastopol ou encore Palais des Beaux-Arts. Au programme, la nuit de l'animation, des parcours ludiques, des concerts, un espace jeux vidéo et de nombreux ateliers. Programmation complète 03 20 53 24 84 ou sur www.rencontre-audiovisuel.org. L'association Convergence vous convie à un véritable voyage au sein des cultures d'Afrique du Nord et d'Orient. Dimanche 22 octobre, 14h30, rendez-vous.